les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a un charme évident et immédiat des ruines. Une espèce d'énergie émanant des vieilles pierres. Qui ne s'est pas imaginé explorateur, au moins une fois dans sa vie, sur les traces d'empires oubliés au milieu de la jungle. Il y a le fantasme et il y a la réalité concrète d'un métier, archéologue. Dans cet archive de 1961, vous allez entendre l'un d'eux, Bernard-Philippe Grolier, figure majeure de l'archéologie française au Cambodge. C'est lui qui a coordonné la restauration des ruines d'Angkor de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la prise de pouvoir des Khmers rouges. Eh bien me voici, pour employer la formule consacrée, dans l'appartement parisien de Monsieur Grolier. Bernard-Philippe, je crois. N'y a-t-il pas eu un autre Grolier avant vous au Cambodge ? Oui, en effet, il y a eu mon père, Georges Grolier, qui était directeur des arts et conservateur du Musée national du Cambodge. Et vous-même, vous êtes directeur des recherches archéologiques de l'École française d'Extrême-Orient et conservateur d'Angkor, je crois. Oui, c'est cela. Nous assurons au Cambodge deux fonctions différentes. L'une pour le compte du gouvernement royal, qui est la conservation des monuments et des musées du Cambodge. Et alors l'autre, qui correspond à l'ensemble des recherches archéologiques françaises en Extrême-Orient, dont j'assure la direction à partir du Cambodge, puisque c'est notre centre principal. Oui, et cet appartement est, ainsi qu'il fallait s'y attendre, une véritable bibliothèque. Est-ce que tous ces livres sont consacrés au Cambodge ? Tous, non, mais enfin j'ai la chance de posséder en effet à peu près tout ce qui est apparu sur le Cambodge, et d'une façon plus large sur l'archéologie et l'histoire du monde indien et ce que l'on appelle l'Inde extérieure, c'est-à-dire l'Indochine et l'Indonésie. Mais c'est passionnant tout ça, mais on arrive à lire tout ça ? Non, on fait semblant de les lire. Ça fait... bon, attendez. Parce que ça représente une somme de temps et de loisirs extraordinaires, vous ne devez pas en avoir beaucoup. On a beaucoup travaillé sur cette partie du monde, mais il reste encore beaucoup à faire en réalité. Et à quel titre la France et l'École française d'Extrême-Orient s'occupent-ils d'Angkor ? Eh bien, dès 1900, l'École française d'Extrême-Orient avait été créée pour étudier l'ensemble des civilisations, ce que l'on appelle maintenant les sciences humaines en Asie. Son centre était en Indochine et tout normalement, l'École française a donc assuré d'abord le dégagement, la découverte et le dégagement des monuments, puis leur entretien et leur conservation, puis finalement la construction des musées qui abritaient les collections d'art de ces pays. Bien entendu, depuis la fin de la dernière guerre, le Cambodge a repris la direction de ses musées et de ses monuments, mais très sagement, et dans un exemple assez rare à cet égard, il a passé un accord avec la France qui confie à l'École française d'Extrême-Orient, sous le contrôle du gouvernement royal, le soin de ses monuments. C'est à ce titre, par conséquent, que nous dirigeons la restauration, la conservation des monuments d'Angkor, l'entretien du Musée national du Cambodge, et parallèlement, nous poursuivons toujours nos recherches, c'est-à-dire les fouilles principalement, l'étude des monuments et d'autres recherches dans le domaine de l'ethnologie, de l'histoire et de la philologie du Cambodge. Et vous êtes à Paris pour longtemps ? Non, malheureusement, je suis venu juste passer un mois pour recruter du personnel étudier le développement de la conservation d'Angkor qui, ces dernières années, a pris une importance considérable et qui pose des tas de problèmes d'ordre scientifique en particulier qui demandent des investigations en laboratoire pour les maladies de la pierre, des phénomènes de cet ordre-là. Et il fallait donc que je vienne à Paris pour organiser ces recherches. Et vous ne venez pas régulièrement, en somme ? Oh, je viens chaque année. Ah, vous venez chaque année ? Je viens chaque année pendant l'été qui est là-bas la saison des pluies, durant laquelle, évidemment, les travaux sont en ralenti, ce qui nous laisse un peu de loisir. Oui, évidemment. Et il y a longtemps que vous habitez au Cambodge, si j'ose dire. Eh bien, ça doit faire 37 ans, puisque j'y suis né. Et ah par bon, conséquent, très bien. Oui, ça fait en effet 37 ans. Oui. Et vous habitez Phnom Penh ? Non, nous sommes... oui, nous avons un centre à Phnom Penh, mais enfin, nous sommes principalement à Siem Reap, qui est le chef-lieu de la province où se trouve Angkor. Angkor est à, l'ensemble des monuments d'Angkor est à quelques kilomètres de Siem Reap. La conservation d'Angkor et notre centre de recherche scientifique sont à Siem Reap. Je sais que ça peut paraître paradoxal de parler du Cambodge aux Cambodgiens, puisque cette émission est destinée à Phnom Penh. Mais nous n'allons pas nous en tenir là. Vous verrez que sans nous en apercevoir, nous lirons le Cambodge et la France, Phnom Penh et Paris. J'ai entendu dire que le premier de l'an cambodgien est bien plus beau encore qu'ailleurs. Est-ce que c'est encore vrai? Je ne sais pas s'il faut dire bien plus beau, mais en tout cas bien plus gai. Enfin, il y a un proverbe cambodgien qui dit que pour passer de bonnes fêtes du nouvel an, il faut aller les passer à Siem Reap, où paraît-il la cuisine est bonne et les filles sont charmantes. En tout cas, il y a effectivement, la province de Siem Reap a conservé des traditions qui ont disparu ailleurs au Cambodge, et en particulier une danse tout à fait fascinante du point de vue historique, qui s'appelle la danse du trot, et qui mime, c'est dansé par des hommes avec des masques, et ça mime une chasse aux cerfs. Et c'est assez extraordinaire parce que, avant même que la civilisation indienne ne fût ressentie au Cambodge, on trouve, à l'âge du bronze, des représentations sur des tambours magiques ou des vases rituels en bronze, des environs du 7e, 6e siècle avant notre ère. On trouve cette représentation de la chasse magique qui jouait un grand rôle dans la vie de ces peuples-là. Et alors, c'est toujours dansé, joué, mimé à Siem Reap par, il y a deux troupes, une en particulier à l'ouest de la ville. Et là, c'est assez amusant parce que les danseurs vont danser cela devant les maisons des célibataires et leur demandent de l'argent. Et alors, si on ne leur donne pas de l'argent, ils ont le droit d'emporter l'échelle. Vous savez que les maisons cambodgiennes sont sur pilotis. Alors, évidemment, si on vous emporte votre échelle, vous rentrez chez vous. Très ennuyeux. Et alors, comme je suis célibataire, je suis toujours mis à contribution. Ils ne peuvent pas emporter l'échelle parce que c'est un escalier en pierre. Mais enfin, nous avons toujours la... Oui, c'est très prudent. Nous avons la danse du trot. Et le premier de l'an cambodgien, qui se situe vers le 15 avril, est toujours très animé à Siem Reap. Les Cambodgiens aiment beaucoup venir dans les monuments, pique-niquer, regarder le trot, et regarder aussi une très belle chose qui existe seulement à Siem Reap, qui est le théâtre d'ombre, n'est-ce pas, le Nangs Bek. Ah oui. Qui est l'équivalent du Wayang à Java. C'est ça, oui. Et qui est très beau. Il y a deux grandes troupes à Siem Reap, le petit, le Nangs Bek Tui, et le Nangs Bek Tom, le grand Nangs Bek. Les figures sont en cuir de buffle découpé, plus grandes qu'un homme, et c'est animé par des danseurs, c'est extrêmement beau. Oui, ça doit être très joli en effet. Mais ce qui est curieux, c'est que des hommes dansent. Moi, je croyais que c'était les danseuses cambodgiennes, les fameuses danseuses cambodgiennes. Ah, mais cela, c'est différent, n'est-ce pas? Les danseuses cambodgiennes, essentiellement, sont les femmes du palais, qui dansent, si vous voulez, à l'intérieur du palais et pour le roi. Mais les danses populaires qui sont fort nombreuses au Cambodge, qu'on connaît mal, sont presque toujours dansées par des hommes, comme d'ailleurs presque toutes les danses en Asie. Les danses populaires sont dansées par les hommes, les danses sacrées sont dansées par les femmes. Ah oui. Je ne pense pas que ce soit absolu, mais enfin c'est quand même... Les femmes ne dansent pas à l'extérieur. Les femmes ne dansent pas à l'extérieur, oui, effectivement. Oui. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus là-bas? Le climat, le genre de vie, l'ambiance? Le climat quand même, non, pas pour nous, parce qu'il est tout de même un peu fatigant. Oui, je crois. Mais nous avons la chance, n'est-ce pas, Siem Reap a une chance assez extraordinaire. Les monuments ont été préservés dans leur écrin de forêt. L'ensemble du parc est classé, la forêt est aussi bien protégée que les monuments. Et on a cette impression à peu près unique de visiter les temples. On peut s'imaginer que l'on est comme les premiers voyageurs qui les ont découverts, dans une très grande solitude, dans un très grand repos. Et il est certain que cet écrin, ce cadre de verdure est tout à fait extraordinaire. Et nous y avons la chance, bien que le tourisme se développe, à mon grand désespoir à moi, mais pour le plus grand profit du Cambodge, encore est tellement grand que l'on ne voit pas les touristes, qu'on les évite, et que l'on est au fond presque toujours seul dans ces temples, avec la petite aura de romantisme que cela entraîne, n'est-ce pas? Oui, ça doit être très grand, parce qu'évidemment, d'ici on voit les choses avec des yeux occidentaux. La taille des monuments de Paris n'a rien certainement à voir avec les dimensions des temples d'Angkor, qui doivent s'étendre sur une superficie... Oui, considérable. Effectivement. Le parc d'Angkor, à lui seul, mesure en gros 40 km d'est en ouest et une vingtaine de kilomètres du nord au sud. Oui. Les monuments, il y en a à peu près 200 dans ce groupe. Et parmi ces 200, il y en a une vingtaine qui ont chacun la taille d'une de nos plus grandes cathédrales ou d'une des pyramides d'Égypte, de Gizeh, par exemple. Et les Cambodgiens vont pique-niquer par là-bas. Ça ne les écrase pas. Ils n'ont pas une impression de, je ne sais pas moi, d'une certaine vénération qui les empêche de faire une chose aussi ordinaire que le pique-nique. Non, pas du tout. La religion dans toute l'Asie est toujours très souriante. Elle n'est pas engoncée dans notre puritanisme et l'on conçoit très bien qu'un temple, comme les grands temples du sud de l'Inde ou les pagodes, sont en même temps qu'un temple, ce sont des foyers de vie. C'est même au Cambodge, la pagode est la cellule de vie la plus active et la plus importante. Et on va à la pagode, bien sûr, pour rendre ses devoirs aux dieux, mais on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas souriant. C'est une très bonne occasion pour bien manger, c'est une très bonne occasion pour se réunir entre villageois. Enfin, c'est tout à fait aimable. Oui, c'est une distraction. Comme l'était d'ailleurs autrefois la cathédrale qui était en même temps entourée de boutiques où l'on représentait les grands mystères. Enfin, c'est très vivant, ça n'est pas du tout Maintenant, tout ceci est perdu ici. Oui, parce que nous avons perdu ce sens de la vie. Et puis parce que nous avons créé l'archéologie et la conservation des monuments historiques qui stérilisent toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais enfin, il n'y a aucune raison pour les voir sous cet aspect. Mais ce n'est pas cette forêt trop luxuriante qui abîme les temples qui... Ah oui, bien entendu. La forêt à proprement parler plus maintenant parce qu'elle a joué un grand rôle de destruction. Les arbres, après qu'Angkor fut abandonné, les arbres ont poussé, ont désintégré les monuments, mais enfin, ils avaient déjà été détruits par les hommes, par les envahisseurs, si à moi surtout. Et la forêt n'a pas été le principal agent de destruction. Maintenant, elle est supprimée, des monuments ont été dégagés. Il faut la contrôler, mais enfin, c'est relativement facile. Notre grand problème sont des maladies de la pierre, les attaques provoquées par les mousses, par les lichens, et surtout par des combinaisons très complexes chimiques qui sont dues à l'eau de pluie et aux microbes. Beaucoup. Il pleut énormément, l'eau de pluie est très chargée en acide, enfin il y a des attaques très graves, et c'est surtout, si vous voulez, d'une façon générale, le climat qui est notre principal souci. Je suis très curieuse. Et je pense que Phnom Penh, c'est un mot composé qui veut dire quelque chose. Est-ce que ça veut dire quelque chose de spécial? Phnom veut dire colline, et c'est un terme que l'on rencontre dans beaucoup de noms de lieux. Et Penh est le nom d'une dame légendaire qui est à l'origine de la ville. En réalité, Phnom Penh a été fondé en 1434, lorsque les rois cambodgiens ont abandonné Angkor devant les attaques des Siamois pour se replier à l'intérieur du pays. Et la ville a été donc fondée à ce moment-là. Alors la légende veut que cette bonne dame Penh, qui habitait à cet endroit... a trouvé un jour sur le Mekong, Phnom Penh, comme vous le savez, situé à ce que l'on appelle les quatre bras, a trouvé un jour un tronc d'arbre qui flottait et qui contenait une statue du Bouddha, ce qui était évidemment un miracle. Alors elle a réuni toutes les dames d'alentour, et ces dames très courageuses ont porté avec des petits paniers du sable pour élever une colline au sommet de laquelle on a construit une pagode où fut abritée la statue de ce Bouddha. Et cette colline, ce Phnom, existe toujours, c'est le centre de la ville, elle est couronnée par une très belle pagode c'est le nom de la capitale. C'est très amusant parce qu'en somme tout a une histoire. Est-ce que les Cambodgiens connaissent bien encore? Parce que beaucoup de Français connaissent mal la France, excepté depuis quelques années, ils voyagent un peu plus. Oui, ça dépend de ce que vous appelez connaître. Est-ce qu'ils voyagent? Est-ce qu'ils aiment voyager aussi? Les Cambodgiens circulent beaucoup. Pendant le Rodao Vosa, pendant la saison des pluies, quand tous les travaux agricoles sont terminés, que la récolte est engrangée, c'est la saison des mariages, n'est-ce pas? On n'a plus rien à faire, alors on se marie. Et puis, c'est une occupation comme une autre. On a de l'argent, donc c'est le moment de faire les fêtes. Et alors, les Cambodgiens aiment beaucoup voyager. Ils vont visiter leurs parents ou leurs amis à l'autre bout du Cambodge. Ça ne les effraie pas? Ah, pas du tout. Ils circulent très bien. Autrefois, c'était des villages entiers qui se déplaçaient en charrette à bœufs avec le ravitaillement, les femmes et les petits-enfants. Maintenant, bien entendu, il y a l'autobus, il y a tous les moyens de transport, mais ils circulent énormément pendant cette saison et ils aiment beaucoup ça. Ils vont également, d'ailleurs, en pèlerinage religieux, ils vont à la capitale voir le roi, le palais royal. Ils vont également dans certaines villes du Cambodge, particulièrement saintes, par leur pagode ou par la légende qui s'y rattache. C'est très amusant parce que, en somme, nous croyons que nous voyageons beaucoup et je m'aperçois que les autres, les Cambodgiens, voyagent encore plus que nous parce que on ne se déplace pas pour un mariage en France. On ne se déplace plus. Non, ils sont très mobiles. Ils sont très mobiles. J'aime beaucoup ça. Oui. Ça nous amuse beaucoup. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que les temples d'Angkor, enfin, du moins leur effigie, n'est-ce pas, ont servi d'armoirie au Cambodge? Oui, Angkor Wat a été représenté dès la fin du 19e siècle, vers 1860, sur une des premières monnaies d'argent frappées au Cambodge sous le roi Ang Duong, et qui joue un grand rôle, qui fut un grand souverain. Et cette stylisation d'Angkor Wat a été reprise, je pense, vers 1870, lorsque l'on a fait le pavillon, le drapeau du Cambodge, qui est blanc, bleu et rouge. Et au centre, il y a cette stylisation, cette silhouette d'Angkor Wat avec ses trois tours. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas les armoiries. Les armoiries du Cambodge, proprement parlé, sont les armoiries de la famille royale. C'est une coupe sacrée qui contient un signe symbolique, le signe Om, qui est l'équivalent de l'alpha et de l'oméga, enfin le commencement et la fin de tout. Mm-hmm. Et je vais vous poser une question très, très compliquée. Qu'est-ce que vous croyez que les Cambodgiens aimeraient le mieux en France, comme région? Qu'est-ce qui les attirerait le plus s'ils devaient venir ici, s'ils avaient le loisir de visiter ce qu'ils voudraient? Ça, j'avoue que c'est assez difficile à répondre, parce qu'il faudrait évidemment se transposer complètement en dehors de soi-même, ce qui n'est jamais facile, ni même possible. Oui. Non. J'ai l'impression que, d'une part, la Touraine, et d'autre part, le midi de la France devrait les séduire. Le midi de la France, parce qu'il retrouverait le ciel, la chaleur, oui, l'ambiance. Enfin, c'est un ça, pays oui, chaud, avec laquelle, évidemment, ils sont familiers. Et puis, alors, il me semble que pour un peuple qui est si proche de la terre, enfin, qui est essentiellement un peuple de cultivateurs, le centre de la France, avec son aspect humain très équilibré, où le jardin, le champ, le petit bosquet, oui, la rivière s'allient, devrait être un paysage auquel ils sont sensibles. Puis alors évidemment, par contraste avec ce qu'ils connaissent peu, ce qui ne leur est pas familier, la grande ville doit évidemment les frapper. Je suppose que Paris, par exemple, doit être toujours pour eux un problème, à la fois donc un point de fascination. Oui, parce qu'évidemment, Phnom Penh, c'est une grande ville, mais ça n'a aucun rapport. L'ambiance est tout à fait différente, sans doute. C'est ça, c'est une grande ville, puisqu'elle atteint maintenant le demi-million d'habitants. C'est une ville très moderne, qu'on a énormément développée ces dernières années. Mais en dehors du centre, des grands bâtiments administratifs, universitaires ou commerciaux, cela reste une agglomération de petits villages. Il n'y a absolument pas ce phénomène qui est le phénomène urbain, enfin, qui est une nouvelle civilisation. Ah oui, il y a un centre principal, et puis autour des espèces de petites banlieues, en somme. Qui sont presque des villages cambodgiens. Oui, tout ça est rattaché sur le... Oui, ça fait partie d'un grand satellite. Ça. Est-ce très indiscret de vous demander ce que vous faites exactement encore? Je pense que c'est une question qui intéresse autant les Cambodgiens que les Français. Ça n'est pas du tout indiscret, puisque ce que nous faisons, c'est pour l'ensemble du public et des Cambodgiens. C'est très simple, en principe, si ce n'est en réalisation. Nous nous sommes aperçus que la seule façon de conserver les monuments était de les reconstruire intégralement. Bien entendu, on ne peut pas tout faire, mais nous choisissons, d'une part en fonction de l'importance des monuments et d'autre part de leur état, nous choisissons un certain nombre de temples et nous pratiquons ce que l'on appelle l'anastylose, ce qui n'est pas un terme très exact, il vaudrait mieux dire simplement reconstruction. C'est-à-dire que nous démontons le monument ou ce qu'il en reste intégralement, bien entendu avec un énorme appareil de relevé, de plans et de photographies, et en numérotant chaque pierre, n'est-ce pas, de façon pour savoir d'où elle vient. Oui. Et alors, nous le reconstruisons alors là avec un grand luxe de précaution, c'est-à-dire que nous refaisons des fondations en béton armé, nous faisons des dispositifs de drainage, d'assainissement à l'intérieur, et nous reposons finalement sur une nouvelle carcasse, si vous voulez, sur un nouveau squelette. Oui, oui. Nous reposons toute la partie extérieure et intérieure visible, c'est-à-dire les pierres qui portaient les sculptures, et nous reconstituons intégralement le monument. Nous avons maintenant des techniques et une expérience et des moyens énormes qui nous permettent d'entreprendre. Enfin, nous sommes par exemple en ce moment en train de démonter intégralement le Bapouane, qui est un monument qui mesure 120 mètres par 100 mètres à la base sur 60 mètres de hauteur, c'est-à-dire exactement la taille de la pyramide de Mykérinus, de la plus petite des trois pyramides d'Égypte. Et c'est, à notre connaissance, le plus grand monument antique qu'on ait jamais entrepris de démonter et de reconstruire dans le monde. Pour vous donner une idée, par exemple, au cours de la dernière année, nous avons manipulé à peu près 80 000 blocs de pierre, dont le plus petit pesait une tonne, simplement pour démonter le premier étage de ce monument. Oui, évidemment, vous avez là-bas de la main-d'œuvre sur place. Nous avons une très grosse organisation. Oui, nous avons à peu près en permanence, à l'heure actuelle, 1000 ouvriers et une trentaine de techniciens français. Nous avons c'est en fait une grosse entreprise de travaux publics. Enfin, nous avons des grues, des bulldozers, de tous les engins mécaniques qui nous permettent de manipuler ces masses énormes. Nous les refaisons sur des structures en béton armé qui sont parfaitement invisibles, mais qui doivent en assurer la conservation, la pérennité. Et alors, nous développons, alors ceci est, si vous voulez, le gros œuvre, mais alors nous développons énormément, parce que c'est essentiel, nous développons la présentation, c'est-à-dire l'aspect des monuments. Alors nous prenons un grand soin de restituer tout ce qui est sculpture, de rendre accessibles les monuments, la circulation autour des monuments, et nous développons également beaucoup, encore peut-être un des éléments essentiels de la beauté d'Angkor était l'admirable système de canaux, de bassins, de douves remplies d'eau qui entouraient les monuments et qui dessinaient la ville. Et alors cela, nous avons entrepris de le restituer. Nous refaisons ces douves, nous refaisons les marches en pierre, nous refaisons venir l'eau, nous recréons les canaux ou les chaussées en ouvrant des perspectives dans la forêt. Nous replantons d'ailleurs cette forêt avec des espèces d'arbres particulièrement belles et même colorées, de façon à avoir, par la masse de la verdure, l'équivalent de ce qui était autrefois la ville construite en bois et qui a disparu. Vous me donnez envie d'y aller. C'est un effet assez séduisant, c'est un travail de longue haleine qui va s'échelonner sur des années et même des dizaines d'années, mais dont déjà les premiers résultats assez spectaculaires peuvent être vus et sont très sensibles au cours de ces deux dernières années. Ça doit être assez difficile quand même de décortiquer tout ça sans l'abîmer. Ça pose beaucoup de problèmes, mais enfin c'est une technique que l'on pratique maintenant depuis 50 ans et qui permet, enfin qui est très au point si vous voulez, l'on peut rationaliser cela d'une part sur le plan scientifique. Et alors d'autre part, il est bien évident que les engins modernes, n'est-ce pas, nous avons des élévateurs, des tapis roulants, des choses, des instruments de cet ordre, alors qui permettent de travailler avec énormément d'efficacité. Et plus nous allons, moins nous avons d'ouvriers, plus nous multiplions les engins, les systèmes mécaniques qui permettent d'obtenir des résultats. Et ça doit créer un anachronisme extraordinaire. C'est assez savoureux, en effet. Oui, oui, on voit des statues se balader au bout de grues ou des bulldozers emprunter les chaussées qu'autrefois suivaient les rois. Mais enfin, le résultat en vaut la peine. Du moins, j'espère. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'ils ont pu construire tout ça, justement, sans aucun de ces moyens. À vrai dire, oui et non. Il est relativement plus difficile de démonter quelque chose qui est déjà construit que de le construire à neuf. Parce que le système de construction khmer était remarquablement astucieux. Ils avaient organisé cela encore bien mieux que nous, en ce genre. Et alors, ils bénéficiaient de deux avantages. D'abord, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et puis ensuite, leur technique est relativement simple. C'est-à-dire qu'ils montaient d'abord le monument brut en blocs de grès ou de latérite, qu'ils le dégrossissaient une fois construit et qu'ils exécutaient la sculpture sur le monument construit. Ah oui, directement. Sur la surface de la pierre, n'est-ce pas? Alors, d'abord, ça leur permettait d'aller relativement vite parce qu'ils montaient d'abord la masse et puis au fur et à mesure qu'un étage était fait, derrière, des équipes de sculpteurs prenaient la relève et exécutaient la décoration. C'était donc organisé. Oui, c'était très, très, très remarquable et c'était relativement assez rapide. Nous avons des problèmes très difficiles, d'abord parce que la pierre a vieilli, n'est-ce pas? Elle est altérée, elle s'effrite, elle s'écaille. Nous devons déceler, démonter des murs à la surface desquels court une décoration sculptée très fine, qu'il ne faut pas abîmer. Il faut que nous trions ce qui s'est effondré, ce que les racines ou les arbres ont disloqué et disjoint. Il faut le remonter. C'est assez, malgré les moyens techniques dont nous disposons, c'est très difficile et très compliqué. Ça n'en reste pas. Il n'en reste pas moins que la construction des monuments d'Angkor, enfin, est un tour de force assez extraordinaire, surtout quand on sait le très court laps de temps qu'ils ont consacré au plus grand monument, n'est-ce pas ? Angkor Wat n'a pas dû prendre plus de 30 ans pour être entièrement construit et sculpté. Mais alors, il devait y avoir une quantité d'ouvriers considérable. Oui, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ça. Ce n'est pas la quantité des ouvriers, enfin, les manœuvres, creuser la terre, couper la pierre, la porter. Les artistes pour la sculpter. C'est ça. Alors, ce qu'il y a de confondant, c'est le nombre et la qualité des équipes d'artistes, parce que les grands morceaux, par exemple les fresques des bas-reliefs ou les statues du dieu, sont d'une perfection extraordinaire, mais cela, on peut concevoir que quelques artistes ont fait ça. Ce qu'il y a de proprement étonnant, c'est la qualité du décor le plus modeste, du plus petit détail qui est traité avec autant de soin et surtout autant de goût que le chef-d'œuvre, ce qui montre combien les Khmers étaient profondément artistes. Enfin, ils faisaient ça spontanément. Ils le font toujours, d'ailleurs. Vous trouvez ou vous trouviez, malheureusement, cela disparaît devant les produits modernes. Mais il y a quelques années encore, le Cambodgien sculptait la faucille pour couper le riz ou la noix de coco avec laquelle il puisait l'eau. Il la ciselait, il la sculptait avec un goût inné qui en faisait un art vivant, au sens propre du terme. Mais il y a du tourisme, évidemment, pour amortir tout ça. De quel pays viennent principalement les touristes ? Quels sont les plus curieux ? À vrai dire, les touristes n'amortissent rien parce que, pour être très franc, ils ne sont pas assez nombreux pour que nous les fassions payer. Mais d'autre part, en tout cas, moi, j'essaye de préserver ce miracle un peu qui est Angkor, où l'on vient en toute liberté, où il n'y a pas toutes les 5 minutes un gardien avec un ticket qui vous taxe votre admiration. Et ils sont donc entièrement libres, ils peuvent se promener, photographier et faire tout ce qu'ils veulent. Alors, il y en a un certain nombre, cela se développe. Évidemment, c'est assez compliqué parce que c'est tout de même un peu un bout du monde. Ah, oui, c'est ça. Oui, ce sont des gens qui viennent par avion, qui font un peu le tour du monde. Et la majorité est américain, à peu près, je pense, à 80%. Ils sont très curieux. Ils sont très curieux. Ce qu'il y a d'un peu décourageant, c'est que, précisément, parce que c'est loin, donc assez cher, ce sont des gens âgés qui viennent à Angkor. Souvent, je me suis demandé si nous ne devrions pas... Ça, c'est très drôle. Oui, nous ne devrions pas ça, ouvrir... Ça, c'est curieux, alors. Oui, parce qu'il faut, avoir les moyens de s'offrir ce voyage. Évidemment. Et alors, il nous semble que nous devrions aussi installer un centre de restauration pour touristes, au moins autant que pour les monuments, parce qu'ils en ont bien besoin. ce qui est un peu regrettable, c'est que les jeunes ne puissent pas venir. C'est ça qui est assez dommage. Eh bien, Monsieur Grolier, il ne me reste qu'à vous remercier de votre gentillesse et puis aussi toutes les choses passionnantes que vous nous avez racontées, en espérant qu'elles passionneront autant les auditeurs que moi-même. Bien, mais c'était très facile. Je vous souhaite simplement de venir à Angkor parce que c'est vraiment un des plus beaux sites du monde et qu'il mérite d'être visité, non seulement en soi, mais parce qu'il est entouré de toute cette gentillesse souriante qui est vraiment le propre des Cambodgiens. Je vous remercie pour ce souhait. Je ne sais pas s'il se réalisera un jour. Je l'espère. Yeah. C'était la restauration des temples d'Angkor avec Bernard-Philippe Grolier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la radiodiffusion nationale le 17 novembre 1961. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.